The bags of the nights that you were in on my head. Never was the light I said to you. Ebbene, non è un po' fuori. Raté. Comment ? Il y a 64 mesures. Non. 3, 4. Voilà, là, c'est bon. On va essayer de mettre des paroles. En français. Ah merde, je l'ai raté le départ. Attends. Cet effet que tu as sur ton truc. possible. Un peu de chaleur, tu caresses tes cheveux. Nos corps en sueur, je me sens beaucoup mieux. Un peu de soleil, tu ne dors plus. Demain au réveil, nos habits seront superflus. Amoureux comme un fou, j'embrasse tes joues. La musique nous entraîne aux ébats qui s'enchaînent. À travers les carreaux, la buée qui s'installe. Vers l'amour à nouveau sur tes gestes bancaires. Au matin, au jardin. Je regarde la vue. C'est si joli, petit cul. Un sourire sur ton visage, mon corps se dresse. Je redeviens sage, perdu dans tes tresses. Te rhabille enfin, me laissant seul dans mon lit. Sans adresse ou signe de vie, je reste seul dans mon destin. Au matin, au jardin, caressant tes seins, je regarde la vue. Nos corps en sueur, je me sens beaucoup mieux. Un peu de soleil, je ne dors plus. Demain au réveil, nos habits seront superflus. Amoureux comme un fou, j'embrasse tes joues. La musique nous entraîne, nos ébats qui s'enchaînent. À travers les chaos, la buée qui s'installe. Faire l'amour à nouveau sur tes chaises bancales. Au matin, au jardin, caressant. Je regarde.